Ah bah c'est à Jérémy Clapin et son film Une histoire vertébrale. Jérémy, tu as un parcours un petit peu particulier dans ton cursus à l'ENSAD. En fait, tu viens du graphisme, c'est ça? Alors, c'est plus compliqué que ça. J'ai fait la section animation jusqu'à la quatrième année. Et l'année de faire mon film de fin d'études, je suis parti. J'ai une bourse pour aller à Londres. Pendant 4 mois, je suis parti. Je croyais que j'avais le temps après de faire un film en 5 mois. Et j'ai abandonné misérablement l'idée de faire le film donc durant cette dernière année. Et du coup, l'année après, comme j'avais commencé à travailler en fait en abandonnant un petit peu cette année en cours. J'avais fait pas mal d'illustrations, ça commençait à marcher aussi en graphisme. Et ben l'année suivante, j'avais plus beaucoup de temps en fait pour. Peut-être j'étais pas assez courageux pour me relancer dans un court métrage. J'avais pas fait encore. Et donc j'ai choisi l'illustration, c'était plus simple quand même de travailler en illustration, de mener à bout un projet en fait. D'accord. Voilà. Et puis après j'ai travaillé beaucoup en graphisme et en illustration, et puis j'aimerais faire que des courts-métrages et pouvoir en vivre, ça serait génial. Bon, déjà pour une histoire vertébrale, qu'est-ce qui donne à seul coup l'envie de retourner, de faire justement, qu'est-ce qui donne le courage de faire le film? Bah, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, mais bon, c'est pareil, quand on commence à travailler... On a ça sur un bout de papier. J'avais pas fait de film de fin d'études, donc j'étais un petit peu nouveau dans le monde de l'animation. Enfin, j'aurais été nouveau, donc j'avais aucun crédit pour demander des bourses, et c'était normal. J'ai un producteur qui a repéré mon projet et qui commençait aussi sa boîte de production. Et du coup, on a décidé de fonctionner ensemble. Ça a mis un peu de temps. On a eu en fait le centre de la première œuvre. Et quand on a une bourse, souvent, il y en a d'autres qui viennent s'aligner un petit peu derrière. Donc ça nous a permis de faire le film. Bah dans de bonnes conditions pour mon premier film. D'accord, donc ce qui est formidable avec une histoire vertébrale, c'est qu'une histoire, j'espère que tu ne m'en voudras pas, qui tienne finalement un peu de mots, si on voulait la raconter, hein, un homme atteint d'une maladie, en tout cas d'une difformité de sa colonne vertébrale, décide de rechercher le grand amour, enfin cherche le grand amour. Et cette histoire, en fait, nous tient autant en haleine, finalement, et que les personnages soient... aussi attachant, finalement, si peu de temps, en 9 minutes, on a le temps de s'attacher à ces personnages, de rentrer complètement dans leur histoire. Cette histoire, t'es venue d'un seul coup, tu l'as beaucoup travaillé pour au niveau de tout le rythme, justement, qui, comme dans le film de Valérie, est très, je crois très que ça fort. Vient jamais, je crois que ça vient jamais d'un seul coup, en fait. J'aimerais bien avoir pouvoir expliquer la façon dont ça m'est venu, mais je crois que j'avais mal dessiné un personnage sur un coin de papier et du coup il avait pas de nuque, d'articulation au niveau du cou, et il avait la tête basculée comme ça, et puis j'avais laissé traîner ça, j'avais rouvert le cahier à la bonne page, j'avais vu ce personnage, puis je me suis dit tiens, s'il y en a un qui existe comme ça, peut-être il y en a un autre qui existe dans l'autre sens. Et après, je crois qu'on essaye de tisser une histoire autour de ça, mais ça vient pas. Je me suis pas dit tiens, je vais faire un film sur une métaphore de l'amour. Non, parce que d'abord, je pensais pas faire ce genre de film-là. Ça m'est vraiment venu malgré moi, quoi. Donc mais, c'est les personnages qui ont. C'est les personnages qui ont initié toute la symbolique autour de ça. Et en fait, je me suis aperçu que ces personnages-là ressemblait un petit peu aux personnages qu'on voit dans les vieilles affiches de films d'amour. Et c'était un petit peu, après j'ai construit ça en jouant un petit peu sur ce parallèle-là, en imaginant que cette vieille affiche, bah, si on sépare les deux personnages de cette affiche-là, finalement on obtient mes deux personnages. Et c'est un petit peu l'histoire de cette affiche qui essaye de l'image de l'amour, de la représentation de l'amour. Pourtant, finalement, ils sont pas malades. Toi, tu disais qu'il était malade parce qu'il avait. J'essaie juste de faire comprendre aux gens, en fait. Oui, c'est non, pas une maladie. Il y a une radio à un moment donné. Il regarde sa radio. Ils sont faits pour correspondre à cette image originelle de l'amour. Ils sont vraiment faits pour ça. D'accord. Je me permettrais peut-être de préciser que le personnage, pour que votre imagination travaille, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, est un personnage qui est, en somme, courbé en deux, n'arrive plus à se relever. Il fait un angle droit, pratiquement. Ça, c'est très pratique. Lorsqu'on fait des gâteaux et que le four est situé en bas, ça a un côté tout à fait positif, mais voilà, ça c'est le personnage. Et puis ensuite, moi j'ai pensé à quelque chose, mais je ne veux pas dire que vous ayez le moins du monde, que c'est une influence. J'ai pensé au personnage d'avant la guerre, des affiches du bonnet, du beau, du bon, du bonnet, un petit peu dans le graphisme, mais c'est un genre, n'est-ce pas, que vous avez essayé d'appliquer qui est le vôtre pour le moment. C'est vrai que les images de Dubonnet sont assez géométriques aussi, donc mes personnages, je voulais simplifier la géométrie des personnages. Oui, ça simplifie aussi l'animation, voilà. Je suppose. Vous en avez aussi, tiré le maximum. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça ressemble à l'affiche même d'Autant n'emporte le vent. C'est vrai, toutes ces affiches. Ça ressemble à toutes ces affiches-là, en fait. J'ai absolument rien inventé. C'est... si, si, non, non, c'est marrant. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ces affiches, finalement, au milieu du siècle dernier, déjà, on parle comme ça. En fait, ils étaient vraiment recourbés. C'est-à-dire que l'homme était vraiment au-dessus de la femme. Et ça a aussi marqué peut-être une domination, je ne voudrais pas me faire d'ennemis. Il y avait dans le rapport en fait, homme-femme, il y avait un petit peu cette soumission de la femme. Et petit à petit, au fil du temps, on remarque, si on regarde comme ça, on feuillette un petit peu les films d'amour, enfin les affiches des films d'amour, on voit que ça se redresse un petit peu. Et à un moment donné, maintenant, on ne voit plus de baisers sur les films d'amour. Ça fait ringard, où il n'y a pas de gens qui s'embrassent. Sauf en Inde, je sais pas. Là, il y a un retour. Ouais. Ça ira jamais dans le sens en Inde, je pense, mais... Mais voilà, donc après j'ai construit, j'ai pas pensé à ça en faisant le film, en initiant le film, ça s'est vraiment fait en même temps. Et l'idée de la Arthur. Qui, en fait, parce que bon, le je sais pas si je. Bon, si faut je pas raconter pas, la fin. Faut pas raconter la fin. Bon, alors. Bah, c'est déjà. Non, c'est pas que je veux pas raconter la fin, c'est que je trouve que la fin est tellement. Elle tente, ouais. Et tellement, justement, il y a deux twists, c'est pour ça. Il y a un moment où ça tombe, on se dit, attends, est-ce que ça se termine? Et puis là, on fait, ah, mais en fait, on pensait que ça allait marcher, mais non. Mais bon, je peux pas parler. Non, je voulais pas t'empêcher de parler, c'est juste que je trouve que il est bien que les gens puissent le découvrir, vrai, parce que je trouve que c'est, justement, cette double fin donne un poids au film encore plus fort. Ouais, parce qu'en effet, on s'attend. Je savais pas comment finir, en fait, donc c'est mieux d'en effacer une, d'en mettre une. Parce qu'on a peur, en plus, on se dit comment ça va se terminer, il en serait capable. On ne connaît pas Jérémy, mais on se dit pourquoi pas un réalisateur pour être assez sadique pour finir comme la première fin. On évite quelque chose, c'est cette chose. C'est vrai, passons. Mais comment fait Valérie nous parler de ses personnages, de son personnage? Je ne voyais pas que tout passe par le visage, enfin, qui est aussi dans les émotions, mouvements. Comment on fait? Parce que vraiment, tes deux personnages, je revoyais le film, c'est vrai qu'on a envie que le film dure beaucoup plus longtemps, ils sont très attachants, on a envie de les garder avec nous. Oh, merci. Comment on fait? Je vais en faire des petites marionnettes. Ça pourrait être bien, ouais. Des petits pins et des choses comme ça. Mais comment on fait par rapport à l'animation pour les rendre aussi attachants? Est-ce que t'as... Bah, je crois, en fait, déjà c'est un film muet, donc je pouvais pas raconter beaucoup de choses avec le dialogue, forcément. J'avais choisi la simplicité, j'avais pas besoin qu'il parle, et puis c'est plus simple aussi de faire un film muet. Et ensuite, je crois que dans le pont du film, fallait que je traîne un petit peu sur le personnage avant de découvrir le deuxième personnage. Je pouvais pas montrer les deux en même temps. Je voulais d'abord montrer que l'un était isolé, l'un vivait mal son infirmité. Et je voulais pas ensuite montrer la même chose avec la chose de manière opposée avec la fille, au contraire, qui a le regard vers le ciel. Je voulais pas montrer ce qu'on imagine vraiment. C'est elle vit tout ça très bien. Elle a le visage au soleil, elle est jamais dans l'ombre. Donc je voulais vraiment et je voulais aussi pas qu'on se dise tiens, il a juste il est un petit peu bossu, mais je voulais vraiment aussi qu'on voit un petit peu à travers ses yeux. Lui, il voyait que ses pieds quand il marchait, même s'il y avait des gens qui passaient autour de lui, il voyait que ses pieds, en fait, qu'il soit tout seul ou entouré, il était quand même dans sa petite bulle. Donc voilà, je pense que j'ai traîné un petit peu. C'est vrai que à mon avis, je voulais en raconter encore plus en montrant des petites scènes quotidiennes, comme disait tout à l'heure Serge. C'est pas Serge, c'est Serge. Mais c'est ça, oui, tout à fait. On me regarde bizarrement, c'est bien ça. Et en fait, ouais, effectivement, pourquoi pas le montrer en train de manipuler des objets encore plus au quotidien. J'aurais pu aussi choisir ça, mais voilà, je crois qu'avec l'argent que j'avais, c'était mon premier film dans... Le rythme est très bon, hein. C'est juste justement ce personnage tellement attachant qu'on a envie, c'est plutôt une qualité. Pourquoi quelqu'un qui vient du dessin plutôt décide d'utiliser, question dure, pourquoi quelqu'un qui vient du dessin décide d'utiliser en fait l'ordinateur? Parce qu'en fait, c'est l'outil, pour juste dire aux gens qui nous écoutent, c'est l'ordinateur avec un rendu 2D, donc un rendu plutôt dessin. Pourquoi ce choix et pas le dessin directement? Au départ, ça devait être du dessin, et en fait, c'était moins cher de le réaliser comme ça. Et aussi, j'étais séduit par le résultat, et curieux aussi de faire une prod comme ça, avec un outil que je connaissais pas. Et donc voilà, en fait, en plus, j'ai choisi ça parce que c'est quand même une histoire de volume qui s'emboîte, le film, entre deux personnages qui vont chercher à retrouver quelqu'un, enfin la pièce de puzzle manquante. Et je trouvais qu'en 3D, finalement, en les animant, ces personnages, on était confrontés un petit peu aussi à leur quotidien, c'est-à-dire qu'on avait du mal à leur faire faire des actions simples comme ouvrir des portes et des choses comme ça. Rien qu'en essayant de les animer à travers le logiciel, on comprenait que voilà, ils se cognaient sans arrêt, la tête elle rentrait dans les murs, alors il fallait qu'ils prennent une gestuelle particulière. Et en 2D, je pense que j'aurais été tenté d'assouplir un petit peu la raideur de la nuque, vraiment. Et ça, je voulais vraiment pas tomber dans ça, je voulais vraiment que ce soit un bloc entre la tête et le buste. Je voulais une colonne vraiment, vraiment rigide. Donc en anime 2D, c'est vrai qu'on a tendance à se faciliter, à rendre un dessin un peu plus séduisant dans la pose, donc on triche un petit peu, et finalement dans le mouvement, on voit qu'il y a une souplesse quand même. Et là, c'est géométrique, c'est super rigide avec le logiciel 3D. Et concrètement, comment avez-vous procédé à ce moment-là? Est-ce que, pour donner de la profondeur de champ par exemple, et mettre le personnage en évidence dans certaines scènes, n'est-ce pas? Ça m'a frappé aussi. Vous dessinez encore sur feuille de papier et faisiez du scanning, ou bien est-ce que c'est sur l'écran que vous avez pu directement... Les décors ont été réalisés en 2D, en deux dimensions traditionnelles, voilà, donc j'ai scanné des dessins. À la fin, je ne les scannais plus, je les ai directement à la palette sur ordinateur. Et ensuite, le logiciel, en fait, c'est lui qui va donner en fait naissance à une image 2D avec l'interprétation qu'il va en faire. On la maîtrise pas forcément. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais un mouvement du personnage en 3D et le personnage se fige à un moment donné avec une position qui me semble correcte à travers le logiciel, lui va me rendre une position sur le papier qu'il va falloir que je valide, parce que il y aura peut-être un raccourci qui va pas être très beau, une position qu'on va pas lire en 2D. Et donc à chaque fois, il fallait bien que je regarde les poses clés à travers tout au long de la production. Donc finalement, c'était le côté rapide de ce choix aussi de la 3D, c'est qu'on pouvait se lancer rapidement dans la production. On n'avait pas besoin de faire des turnarounds, une préparation des personnages et tout ça. Là, tout le monde avait son personnage. C'était animé en 12 images secondes et ça restait cohérent, le personnage restait cohérent, il perdait pas ses dimensions, etc. Mais l'outil donc ne permet pas en fait d'aller forcément plus vite ou Je pense quand même qu'il va plus vite, mais il est plus intéressant si le film avait duré plus longtemps, il aurait été plus intéressant, parce qu'il y a une grosse partie du travail qui consiste à modéliser les personnages, à faire des tests de rendu, à faire tout ça. Donc tout le travail de préparation, il dure un tiers en fait du temps de la prod. Enfin, pour mon cas, ça a duré 3 mois, en fait, la fabrication des images. Ce qui est assez rapide, finalement. Et en fait, en anime traditionnel, je pense que ça aurait quand même pris beaucoup plus de temps, mais on peut commencer beaucoup plus tôt l'animation. Voilà. D'accord. Alors, Serge a parlé d'un point qui est très important dans le film. Ça frappe énormément. C'est un travail, en effet, fait sur la profondeur de champ. Il y a un certain plan où le personnage principal passe au second plan derrière un arbre qui lui est en premier plan, derrière des personnages en second plan. Tu viens nous l'expliquer, c'est aussi par rapport à son monde. C'est drôle, ça. Il y a un écho au fait que le film qui est fait par ordinateur a un rendu 2D et que finalement, en aplatissant les personnages dans leur rendu, tu leur donnes du relief dans l'espace. Comment s'est fait ce travail avec le... Bah, le découpage du film est très 2D, c'est-à-dire que j'ai pas de caméra qui va se trimballer au milieu d'un décor. Vraiment, j'avais pensé mon film en 2D, donc avec des panneaux qui passaient devant, derrière, comme ça, comme un petit théâtre. Enfin, je crois que c'est assez courant en animation aussi. Et je voulais que cette 3D s'intègre au même titre que les décors. Je voulais pas des personnages qui, d'un coup, semblent différents, semblent avoir été faits pour un autre film, à la rigueur. Je voulais vraiment que décor et image fassent une seule et même image. Donc voilà, j'ai utilisé ces premiers plans un petit peu aussi pour créer un peu la profondeur que je perdais du coup en quittant la 3D. D'accord, il y a un vrai travail de mise en scène, un très beau plan, le plan de la fin qui est quasiment pris tout en noir et tout. On a presque l'impression d'influence hors animation. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à, je sais pas, des films comme le cabinet du docteur Caligari, des films expressionnistes comme ça, des années 1920 allemands. Est-ce que tu as beaucoup d'influence aussi hors? Parce que le film est évidemment très, enfin, on l'a dit, mais très très bien mis en scène, une très belle réalisation qui confine en effet, pas la prise de vue réelle, mais on sent une vraie réflexion derrière. Est-ce que... En fait, tu parlais de ce plan, je ne l'avais pas dessiné comme ça dans le storyboard, parce que contrairement à Valérie, j'ai fait un storyboard. Mais en fait, le storyboard a beaucoup changé, hein, donc c'était quand même très bien pour l'équipe de se référer à une image et tout ça. Et d'ailleurs, c'était assez marrant, parce que moi, je leur disais, mais arrêtez de regarder mon storyboard, il est mal fait, on voit rien. Je veux dire, on va parler des plans avant de se lancer, juste en voyant un storyboard où il y avait des indications médiocres dessus, je l'avoue. Mais alors, l'équipe me disait, enfin les animateurs me disaient, mais on regarde quoi, il n'y a rien à regarder. Parce que j'avais fait un animatique aussi, mais je leur disais, ne regardez pas l'animatique. Et en fait, donc l'outil 3D permettait un petit peu aussi cette souplesse-là, c'est que je pouvais au dernier moment voilà, changer un tout petit peu mon angle de vue sans perdre deux semaines d'animation. Voilà, je changeais juste ça. Et donc c'était assez réactif entre les différentes étapes de la production. Et en fait, ce cadrage-là, il m'est venu... Je pense pas avoir... J'ai trouvé ça intéressant de montrer une situation qui semblait bouchée, de la mettre vraiment dans un coin de l'image, et voilà. Enfin, pendant tout le long du film, il y a une réflexion sur la mise en scène, genre ces plans magnifiques avec les deux personnes qui se regardent ou qui ne se regardent pas, enfin, qui se regardent, tout ça sous un fond bleu, c'est-à-dire... Tu joues aussi avec moi, le film est quasiment en noir et blanc, il n'y a que le bleu du ciel qui peut changer selon la journée, ou en tout cas le bleu d'extérieur, un peu comme dans les films muets de l'époque, où il peut y avoir du bleu pour extérieur jour, extérieur nuit, du vert, enfin, il y a des couleurs très précises. C'est un film un petit peu sur des oppositions, donc je voulais deux couleurs un petit peu qui se répondent bien, parce qu'en fait c'est deux univers aussi, c'était l'univers de la fille, le ciel, et l'homme, lui, c'était l'univers de la terre, un petit peu, toujours le sol. Donc je voulais un petit peu avoir, je voulais pas qu'on tombe dans le film. Au départ, c'est très, il y a pas beaucoup de bleu au départ en fait. On est un petit peu dans le ton que je n'aime pas trop d'ailleurs dans les films. C'est un peu terre de sienne qui fait un petit peu faussement poétique. Je voulais pas que ce soit ça. Donc d'un coup, on voit du bleu, on dit ah, c'est bizarre. Et voilà, donc en fait, c'était un petit peu pour. Et puis c'est quand même plus simple de faire un film avec des touches de couleurs assez réduites. C'est moins long. Et puis... Il y a autre chose que je voulais dire et que j'ai oublié. Mais c'est un parti pris réussi en tout cas, en attendant que tu réfléchisses à ce oui, que... Oui, tu disais aussi au niveau de la mise en scène, en fait je crois que c'est la mise en scène est un petit peu induite par la géométrie des personnages. Je peux pas les filmer en fait et raconter la même chose qu'en filmant des personnages normaux, parce que tout simplement s'ils me font face, les personnages, je vois pas leur expression, je vois pas leur visage, donc j'étais obligé de trouver des plans en contre-plongée, des plans en plongée. Des plans de profil, donc dans ma narration aussi, il fallait que tout se passe un peu de profil, un petit peu à l'égyptienne. Et en fait, donc j'étais limité par les personnages eux-mêmes. Donc j'étais au service de leur physique, quoi. D'accord. Simplement. Et je viens de comprendre quelque chose, donc c'est pour ça que elle, qui est plutôt l'air, a un oiseau, et lui a un chien, d'accord. Ouais. Ça vient de me marquer, j'avais pas fait attention, j'étais sur les personnages, j'avais pas vu ces deux petits personnages. Comme quoi, c'est bien. Est-ce qu'autour de la table les gens ont vu le film de Jérémy, Sébastien ? Question piège. J'étais à gauche. Non, mais en plus, j'étais très content de le voir parce que je l'avais vu sous forme de dossier il y a quelques années. Et donc, j'avais vu le storyboard qui n'était pas si pourri que ça. Et non, bah, moi, vous en avez très bien parlé. Je trouve que c'est un film très réussi. Bon. Que peut dire de plus ? Enfin, je le reverrai avec plaisir. Non, Je pose pas la question à Arthur qui déjà s'attend à ce que je lui pose et qui ne l'a pas demandé parce qu'il arrive en retard. Je raconterai pas la fin, donc d'accord. Bien sûr. D'accord. J'ai vu deux fois même, donc. C'est super bien. Moi, je pensais que tu l'avais fait aux Arts Déco, mais en fait, pas du tout, non. Enfin, c'est un vieux, lui, rien. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Enfin, non, mais donc c'est non, non, c'est. C'est pareil, mais c'est vrai que c'est pas la même démarche, ouais, effectivement, de parce que tu parlais un petit peu de justement des financements du dossier, tout ça, et c'est vrai que bah, quand on est aux Arts Déco, on sait quand finalement on se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir faire un film comme ça en dernière année, ce qui est pas le cas de tout le monde. Ah oui, non, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est et puis du suivi après des bandes, tout ça que Sylvie envoie, d'ailleurs on lui dit merci au passage, envoie donc à tous les festivals et tout, et c'est vrai qu'après c'est une autre, mais c'est tout aussi intéressant. C'est vrai que c'est de se faire la main aux Arts Déco, puis ensuite de continuer, parce que j'imagine que toi aussi t'as encore d'autres projets Valérie, après ce film, enfin, on en a déjà parlé. Voilà. C'est très bien. Voilà. C'est un vrai tour de table. Donc, j'ai beaucoup aimé tout ça. Bon, d'accord. Donc, et Valérie ne l'a pas encore vu. Mais je vais le voir mardi. Bon, parfait. Voilà. Donc, Jérémy. Malheureusement, Valérie n'y sera pas. C'est toujours très dur, la sélection étudiante à Annecy. À mon avis, c'est une erreur de la part du festival. Et en tout cas, les gens qui l'ont fait, au vu, bien évidemment, de ce que j'ai vu de la sélection étudiante qui a lieu cette année, c'est, évidemment, ça n'engage absolument que moi. Et chaque année, de toute façon, c'est toujours la même chose. On est content que certains films soient en compétition et d'autres non. Donc là, je le dis, je trouve ça un petit peu dommage. Heureusement, Jérémy, toi, par contre, tu es à Annecy. Ça fait quoi ? Ouais, c'est vraiment... Je l'ai fait vraiment que pour ça. Je me doute. Non, mais c'est bien, mon premier film. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est vraiment... premier film qui passe, enfin qui est sorti, enfin que je fais tout simplement, qui passe à Annecy, qui est sélectionné à Annecy. Voilà, j'aurais été vraiment déçu de ne pas l'être, parce que c'est là que j'ai connu l'animation aussi. Après, on est plus ou moins critique à partir de sur ce festival ou non, mais il permet quand même de découvrir quelque chose auquel on n'est pas vraiment confronté facilement. Quoi. Bien sûr. Donc on voit beaucoup de films, ça donne vraiment envie, si on a déjà un petit peu... la fibre d'en faire, quoi. Alors, l'extrait musical, donc tu vas nous en parler un tout petit peu. Tu nous as mis un extrait musical de la bande originale du film. Alors elle participe énormément au film, puisqu'évidemment, c'est un film muet, et là, la musique vraiment souligne absolument toutes les émotions. Bah, dès le départ, en fait, j'ai travaillé avec Nicolas Martin, donc le compositeur qui est aussi musicien, qui joue pratiquement tous les instruments qui existent. Et en fait, donc, on avait fait une première version à partir du storyboard où j'avais fait un animatique qui collait. Déjà, je lui avais demandé beaucoup de travail pour pas grand-chose, pour rien déjà à l'époque. Et après, lui, il a... Je vais... Ce n'est rien. Il y a des poils de chat qui se tremblent. Et après, donc, je lui ai montré le montage final du film et il m'a dit « Non, ça va pas du tout, je vais refaire toute la musique ». Alors moi j'ai dit ouais, mais tu sais, j'ai pas, enfin, y a pas beaucoup, ça va peut-être demander du temps. Et c'est quelqu'un qui bosse vraiment très vite, qui est en Espagne, j'espère que je l'ai vu qu'une fois. Et une semaine après, alors qu'il fait quand même appel à un orchestre et tout ça, une semaine après, il me file la musique, quoi, et qui colle à l'image près, c'est-à-dire que là, il a fait les interventions quand il fallait, au changement de plan, exactement quand il fallait, quoi. C'est sûrement moi qui avais mal travaillé par rapport à. Au départ, c'est-à-dire que moi j'avais pris un peu de liberté ensuite pendant le tournage, enfin si on peut appeler ça un tournage, et du coup j'étais plus calé avec sa musique, alors que j'étais calé initialement à l'animatique. D'accord. Et lui c'est à rattraper le coup. Donc. Et c'est vrai que dans le film, bon, bah, cette musique elle exprime bien ce que les personnages ne peuvent pas dire, ou ce que les personnages vivent un petit peu, c'est-à-dire c'est un peu la voix des personnages, quoi. Oui, tout à fait. Donc on va demander à Nicolas de nous envoyer l'extrait numéro 2.